France Inter. François Morel, c'est à vous. Qui a tué Dina Gontier? Qui est responsable et pourquoi est-elle morte? La réminiscence d'une vieille chanson sur un disque de Gremmell White qu'adolescents nous écoutions en boucle il y a une quarantaine d'années. Qui a tué Davy Moore? Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Mais là, c'est de Dina Gontier dont il s'agit. Une jeune fille qui s'est pendue dans la nuit du 4 au 5 octobre. Une jeune fille de 14 ans qui avait fait l'objet de harcèlement, selon sa famille, en raison de son orientation sexuelle et de ses origines maghrébines. Qui a tué Dina Gontier? Qui est responsable et pourquoi est-elle morte? C'est pas nous, disent ces harceleurs, ces harceleuses. Bien sûr, on l'a chambrée, bien sûr, on l'a traitée de tous les noms. Oui, de Salguine, depuis qu'elle avait fait l'erreur de s'être confiée à l'une d'entre nous. Mais ici, personne ne se fait de cadeaux. Les insultes, c'est notre façon de dire bonjour. En plus, ce qu'on lui reprochait surtout, c'est d'être une bonne élève, de corriger nos fautes de français intellectuelles. C'est encore pire que Salguine comme insulte. Peut-être aurions-nous dû arrêter, dire assez, mais vous savez ce que c'est. Quand on a la chance de faire partie d'un groupe, on n'a pas envie de se singulariser. Mais c'est pas nous qui l'avons tué, vous ne pouvez pas nous accuser. Qui a tué Dina Gontier? Qui est responsable? Et pourquoi est-elle morte? C'est pas nous, dit l'administration du lycée, le proviseur, les professeurs, les assistantes sociales. La violence, elle est partout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on intervienne chaque fois qu'il y a des coups, des insultes, chaque fois que deux ados s'engueulent, chaque fois qu'il y a de la violence. Mais on ne pourrait jamais faire classe. Vous ne savez pas ce qu'on doit supporter au quotidien. C'est trop facile de se retourner contre nous. C'est pas nous qui l'avons tué. Vous ne pouvez pas nous accuser. Qui a tué Dina Gontier? Qui est responsable et pourquoi est-elle morte? C'est pas nous, disent les réseaux sociaux. Vous savez bien, nous, on n'est qu'un support. Vous ne pouvez pas accuser le support d'être responsable des appels au meurtre, comme vous ne pouvez pas accuser la feuille de papier d'être responsable de l'ignominie d'une lettre anonyme. C'est pas nous qui l'avons tué. Vous ne pouvez pas nous accuser. Qui a tué Dina Gontier? Qui est responsable et pourquoi est-elle morte? C'est pas nous, disent les politicards, les colporteurs de haine. Nous, on fait notre métier, vous savez ce que c'est. La haine est quand même plus porteuse que l'amour, l'amitié, la tendresse, vous savez bien. Les gens qui parlent d'amour, d'amitié, de tendresse, ils sont vus comme des bisounours. Si on veut faire un score aux prochaines élections, on n'a pas le choix, on doit attiser la haine. Sinon, on risque de ne pas même être remboursé de notre campagne. Il faut se mettre à notre place. C'est pas nous qui l'avons tué, vous ne pouvez pas nous accuser. Et lancinante, cette même question qui devrait quand même, s'ils ont un fond de conscience, rendre plus agité le sommeil d'un certain nombre de harceleuses, de harceleurs, d'adultes responsables, de politicards, de colporteurs de haine en tout genre. Qui a tué Dina Gontier? Qui est responsable? Et pourquoi est-elle morte? Qui a tué Dina Gontier? Qui est responsable? Et pourquoi est-elle morte? François Morel, merci. France Inter.